Cette vie est compliquée, compliquée. Des pays endettés, endettés. En me levant, j'espérais voir le paradis sous mes pieds. Mais ce n'est guère que j'ai vu. Seuls les arbres sont venus. Mais je crois que bientôt tout finira par se calmer. On vit dans un monde rouge comme le sang, sang, sang, sang. On rêve tous d'un monde blanc, blanc, blanc, blanc. Mon Afrique amère comme un gland, gland, gland, gland. J'entends tous ces pleurs, c'est gênant. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Aucun homme ne naît comme ça. Avec la haine dans son moté. Réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, c'est la réalité. Allô, non mais allô, dans ce monde y'a pas de cadeau. La barre veut sauter haut. Un jour si ma haine contre la popo. La voix sort du château. Oui j'assume tous mes propos. T'avais joué au super-héros. Quand faut agir ça perd tout leur coraux. J'fais du bruit comme un giro. Allô non mais allô. Tu rappes bien. Tout le monde sait que t'es un mytho. Et j'rappe pas j'fais de la musique. Besoin de tuer la rythmique. J'fais attention à la marche. Question, Jean-Luc Reichmann. Asseyez-vous, messieurs, mesdames. J'kiffe le sujet sensible. Allez dire aux Américains que c'est bouge à tuer ça. Réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité, réalité.